Cours numéro 16. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdahu wa salatu wa salam. Ala man la nabiyya ba'dahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-allama al-shaykh Hamoud al-Twidri rahmatullah alayhi. S'est arrêté wa qad rawa al-Tirmidhi. قال رحمه الله وقد روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين يلبسون للناس جلود الظأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي تغترون أم علي تجترئون فبي حلفت نعم الكلمة لبا واضحة لأبعثن أنا عندي j'ai une tache sur le livre, on ne voit pas la كلمة لكن c'est لأبعثن هكذا vous avez dans votre أين لأبعثن أحسن قال لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران وهذا الحديث ضعيف جدا قال في الحاشية أخرجه الترمذي وضعفه الإمام الألباني رحمه الله ضعيف الجامع أي ضعيف جدا فيه يحيى ابن عبد الله لمنكر الحديث كما قال الإمام أحمد والإمام أبو حاتم وغيرهم عليهم رحمة الله فهذا الحديث ضعيف جدا منكر قال وروى الترمذي أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم نعم قال في الحاشية من الإتاحة بمعنى التقدير فتنة تدع الحليم منهم حيرانا فبي يغترون أم علي يشترئون قال الترمذي هذا حديث حسن غريب بل ضعيف جدا فيه حمزة ابن أبي محمد لمنكر الحديث كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل الجرح والتعديل de son fils ابن أبي حاتم et son fils il rapporte كثيرا les paroles de son père أبو حاتم وكذلك أبو زرعة الرازيين الحديث لعن أوت رواية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كذلك لشديد الضعف فالحديث لا يصح بل إلى المنكر الشيخ رحمه الله a cité هذه الحديث pour argumenter sur la catégorie de gens qu'on a lu ensemble dans le درس précédent أصحاب العقول الكاسدة المنحرفة نعم ceux qui pensent que se rapprocher des kuffars c'est la solution Ceux qui pensent que délaisser al-wala ou al-bara, c'est la solution. Ceux qui pensent que détester fi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas min al-hikma, c'est pas de la rahma. Ha'oula al-dullal, kama taqaddam ma'ana, al-shaykh rahimahullah wassafahum biqawlih al-hayara wal-maghrourin. C'est pour ça qu'il a cité hadha al-hadith wa vihi fitnatan tad'u al-halim minhum hayran. Et Al-Hayara, c'est Jam'u Hayran. Il a argumenté avec ces deux hadiths, lakin ils sont daïfs. قال وفي هذين الحديثين إشارة إلى أهل العقل المعيشي النفاقي وما هم عليه من المنافقة باللسان والتكلف والتصنع في الظاهر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هذه أوصاف هؤلاء. Ils s'adaptent au lieu, aux situations. Quand ils sont avec le mu'minoun, ils ont un discours. Quand ils sont avec le kuffar, ils ont un discours. Et yadam billah, c'est sur des fondements de notre din. Quand il va être avec le mu'min, il va montrer qu'il aime le mu'minin, il a agré. Quand il est avec le kuffar, il va montrer qu'il est d'accord avec eux. Et robama yat'an fi ikhwanihi al-muslimin. Kadhalik takalluf. Takalluf, il s'impose des choses et yadam billah, ils sont pas droits. Ils manquent de sincérité, ils manquent de justice à oula takalluf kadir et tasannu' fi dhahir ça ressemble au nifaq ils font apparaître autre que ce qu'ils pensent fa li hadha tu trouves haoula al hayara المغرورين لا يستطيعون الصدع بالحق بل يسون جيني بار دي سوجي عياذا بالله دي سوجي دو تري تري غراند امبورطونس دون نوتر دين فهؤلاء عندهم جرح الكفار اون بارل ميم با دو حال بعض المميعين انهم يزام با كون تو كريتيك لي زينوفاتور لا هؤلاء حتى الكفار سي بور سا كو هذا الباب عندهم يل مغلق لماذا لان لو كور يل مغلق ان كور فيفون qui aime l'ilm, qui aime la foi, qui aime le Coran, il ne fait aucune différence entre les versets sur le bon comportement, les versets sur le tawhid, les histoires des prophètes, les versets contre les kuffars, il ne fait aucune différence. Il yu'min bil jami'a. Amma ha'oula kama taqaddam ma'ana, leur da'wa est fondée sur des qasas, sur des histoires, et kathira, ce n'est même pas des histoires min al-Qur'an ou min al-Sunnah, et c'est fondé sur le bon comportement. Faqat. Le reste, fi janib. Ba'dhum, qui ont un peu étudié ou qui suivent aveuglément Wahed, ils vont enseigner une risala fil fiqh. Comment faire tahara, comment faire salat il akhri. Ça c'est tayyib, lakin c'est pas suffisant. Mais ça peut pas être, ça peut être totalement insuffisant si l'insan, iyadam billah, il combat din Allah al-haq, il combat al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi wasf ahl hadha al-aql, ay al-aql المعيشي يظن أربابه أنهم على الشيء إلا أنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم ويسالموهم هذا الكلام اللي مهم لماذا؟ لأنه اللي في وصف العقل أتقدم عنه أن العقل سي لا غيزون كثير من الناس بل أكثر الناس بل كل الناس إزام العاقل On dit Fulan, il est aqil. Al-Muhim, al-Aqil, c'est une personne bien et qui a des principes solides, des principes corrects, authentiques, et l'Aqil. Kathirun min al-Nas, ils pensent que l'Aqil, c'est Ha'oula. Et vous l'avez déjà vu, Hada. Inda Ba'd al-Awam, ils ne connaissent pas leur din, ils ne connaissent pas Tawhid, à cause de leur ignorance. Et Ha'oula, ils aiment le din. Lakin leur ignorance, à cause de leur ignorance, ils disent certaines choses. Très très grave. Maintenant, pour eux, l'aqil, c'est qui ? Ha'oula al-ana, al-munharifin, qui se rapproche des kuffars. Ils s'habillent comme les kuffars. Et ils ont une certaine situation, peut-être qu'ils passent à la télé, peut-être qu'ils travaillent avec ces kuffars. Bon, il a une place. Indahum, c'est un aqil jitten. Ils disent, dur, hada, il a réussi. Et ils voient, wahid min talabat al-ilm ala sunnah. Et haluhu il est tayyib, lakin tawadu' la modestie. Et. Il prend de dunya que ce qu'il a besoin. Et Robama, il quitte Bilad al-Kufr. Il rejoint ses frères musulmans et il patiente et il est éprouvé par certaines choses. Inda haoula, hada, il n'a pas d'aql. Comment il a délaissé Bilad al-Kufr? Comment il a délaissé son travail et il veut qu'apprendre? Indahum, ce n'est pas min al-aql raji hada. Bel, indahum, c'est min al-safaha. Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, là, il montre c'est quoi al-aql. Al-raji, al-aql qui est fondé sur al-huda wal-nour. قال يظن أربابه أنهم على الشيء ألا إنهم هم الكاذبون فإنهم يرون العقل أن يرضوا الناس على طبقاتهم et ça c'est très très grave celui qui veut satisfaire tout le monde على طبقاتهم ça veut dire il veut satisfaire tout en bas je prends de tout en bas le plus bas statut مثلاً واحد qui vend في السوق واحد qui un عامي في المسجد et ça monte jusque jusqu'au mas'oul ila akhri. Fahada, il va se faire beaucoup de mal. Il sera obligé de faire des concessions dans son din. Limada, li anna, kama qala, ridhan nas huna, c'est pas possible. Wa sayati al-kalam. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Hakada qala ghayru wahid min ahli al-ilm, minhum al-imam al-Shafi'i. Ghayatun irda'un nas. Satisfaire les gens, ghayatun. Rayatun, je peux traduire par finalité. La tudrak, c'est impossible. T'arriveras jamais. Faliyada qala, wa yusalimuhum. Il va avoir de problèmes avec personne. Quand on dit, il veut ne pas avoir de problèmes, ça ne veut pas dire que Ahlul Haqq, ils veulent des problèmes. Là, lakin, il veut que tout le monde soit d'accord avec lui. Personne ne le critique. Ah là, c'est pas possible. Si t'es à la sunna, tu seras critiqué par Ahlul Bid'ah. Si tu es à la tawhid, tu seras critiqué par Ahlul Shirk. si tu es muslim, tu seras critiqué par Ahl al-Kufr. Dans le domaine de dunya, la même chose. Si tu travailles, tu seras critiqué par certains. Dans l'entreprise, ils ne seront pas d'accord. Dans le domaine des femmes, une petite chose, elles sont jalouses et elles critiquent. Dans tous les domaines. Les enfants, Hikmatullahi subhanahu wa ta'ala. Limadha li'anna, on ne pense pas tous pareil. On a des niveaux différents dans la foi, dans la science, dans la compréhension. Foulan, il n'est pas d'accord avec Foulan. Labud. Enfin, celui qui veut que tout le monde soit d'accord avec lui et personne ne le critique, hada, ayyadan billah, il n'est pas sur le chemin de la droiture. Abadan. Qal wa yastajlibu mawaddatahum wa mahabbatahum wa hada ma'a annahu la sabila ilayh. Hada, le kalam qu'on vient de citer. Ma'a annahu la sabila ilayh. Et Al-Shabi'i qala rahmatullah alayhi, ridan nas ghayatun la tudrak. La tudrak, ce n'est pas possible d'y arriver. Wahuna qala la sabil ilay. Il n'y a pas de chemin pour hada. C'est impossible. Qala ta'ammal, notre prophète alayhi salatu wa salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a révélé la révélation, est-ce que tout le monde était d'accord avec lui? Pourtant, c'était Rasulullah alayhi salatu wa salam. Afdal al-nas ala al-itlaq. Certains l'ont suivi, et akthar al-nas, à l'époque, ils ne l'avaient pas suivi. Les sahaba, ils étaient qalil au départ. Ha'oula, ils sont fi ghafla azim. Ceux qui pensent que là, il ne faut pas dire telle chose, il ne faut pas dire telle chose. Cette pensée, cette conviction, vouloir satisfaire tout le monde, que personne ne me critique, ne pas froisser les gens. Tu vas arrêter de parler sur tout ce qui concerne les kuffars, tu auras peur d'être critiqué. Tu ne vas pas parler sur les innovateurs, tu vas avoir peur d'être critiqué. Tu ne vas pas parler sur Ahl al-Dunya. Sur beaucoup de péchés, les mandats, les annahum, ils vont te critiquer. Et tu vas plus rien, tu vas plus mettre en garde sur rien. C'est exactement hal ha'oula, les prêcheurs de l'ignorance et de l'égarement. Donc ils sont revenus à quoi? Parler des choses sur quoi tout le monde est d'accord. Est-ce que quelqu'un aime bien faire du mal à son voisin? Ebeden. Fais une khutba. Fais un dars. Sur le bon voisinage, personne ne te critiquera. Ta'lamoun anna ha'oula. Al-Munharifin, Al-Dullal, quand ils propagent des choses sur les réseaux sociaux, حتى بعض الكفار dans les commentaires ثناء ومدح, ils les complimentent. Il va faire un audio de 10 minutes, 15 minutes sur le fait de être bien avec son voisin, être bon. حتى الكافر, il va écouter, il va dire, حتى الكافر, il aime le bon voisinage. Tu trouves des commentaires. Je ne suis pas musulman, il a akhiré, mais votre discours, il a akhiré, annahu, il aime bien et c'est ses principes. Parle de tawhid. Parle du prophète Muhammad alayhi salatu salam bihaq. Parle les fondements de notre religion, aimer pour Allah, détester pour Allah, les obligations. Parle de hikmatullah subhanahu wa ta'ala fi shar'i. Toutes les sentences qu'Allah il a légiférées, c'est bihaq. Parle. Parle que des sentences, couper la main du voleur et tu verras les commentaires. Alors que c'est le haq. Comme taqaddam ma'ana dans notre dars, celui qui a légiféré hada, c'est le hakim. Hada pour vous montrer la cause et la conséquence de hada al-madhhab al-battal. Qala, fahuwa, on répète, wa hada ma'a annahu la sabila ilayh, fahuwa itharun lirraha wa da'a ala mu'nati al-adha fillah. Tu as la réponse fi hada al-kalam. Ma'a annahu, c'est impossible. Lakin pourquoi? Kathirun min al-nas, ils ont créé hada al-madhhab. Et ça a engendré une chose de très très grave. Annahum, ils ont délaissé aqidatu al-wala billah wal-bara billah. Ma'a annahu, c'est impossible de vouloir satisfaire tout le monde. Lakin, kama qal, fa huwa itharun lir-raha wad-da'a ala mu'nati al-adha billah. C'est le chemin le plus facile. Ils pensent, et fait le haqiqa, même dans ce cas, ils ne seront pas épargnés. Même ils essayent, ils ne seront pas épargnés, abadan. Lakin, les mada, ils ont choisi ce chemin, fahuwa itharun lirraha. Ils n'ont pas la force de l'iman, de la foi, pour propager din Allah, pour patienter face aux injustices, face aux critiques. Ils n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ce chemin. Dhaka Savi, qu'on a cité dans le dars précédent, Shurluhu Shar, il s'est athana ala al-kuffar et les voyages. Raha. Et à moi les musulmans, les week-ends à 200 euros presque, thumma les voyages, thumma les restaurants, thumma les kuffars, ils ne parlent plus sur eux, ils ne les critiquent pas. Et les musulmans, même ceux qui ne les aiment pas, ils les ont mis de côté, ils ont un petit groupe qui les suit, ils voyagent, ils profitent avec eux. Et arraha. Lakin, ça c'est arraha tête dunya. Et ça ne restera pas. Ha'oulaf al-haqiqa, ils ont délaissé ma huwa a'zam al-akhirah. الداعي إلى الله son objectif ça doit être راحة الآخرة أي الجنة. يتأمل ما حصل للإمام أحمد رحمة الله عليه. الإمام أحمد il aurait pu faire comme la plupart des gens à son époque. Est-ce que le Coran il est مخلوق ou il est pas مخلوق? Il aurait pu se taire et vu qu'il était exposé à la torture, à l'emprisonnement, il avait une part d'excuse, il aurait pu comme là. Il a préféré rahat al-akhira, il a été fouetté, il a patienté, emprisonné, il a akhiré, et alhamdulillah, Allah il l'a élevé. En dehors l'an, Imam Ahmed, hatta inda ha'oula abdullal, ils vont te le citer ahyanan. L'imam Ahmed, bi idnillahi azzawajal, il ne peut pas être critiqué. Celui qui le critique, c'est un mulharif. Même ahlul bid'a wal ahwa, ils parlent bien de lui. Illa wa'adha al-rawafid, ha'oula, c'est pas des muslimons. Fa la gharab. L'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il a tant souffert, ils lui ont demandé, marra, matarraha. Soual tayyib, quand est-ce que tu vas te reposer? L'an al-rajul, rahmatullah alayhi, c'était ilm wa da'wa, et prison, et il a eu une vie très très compliquée, là, qu'il a patienté. Marra, ils lui ont dit, matarraha, ya imam, quand est-ce que tu vas te reposer? Il a dit, fil jannah, quand je mettrai mon pied, quand je rentrerai fil jannah, mais idnillah arraha. Ça sera une demeure pour se reposer. Amal an, c'est pas une demeure pour se reposer. Ha'oula, vu que leur principal objectif c'est arraha. Vous avez remarqué, ils parlent que de ça. Le bon comportement, le bon voisinage, la tranquillité. Ils sont attirés par ça et ils pensent qu'à ça. Ils ont fondé leur da'wa sur ça. C'est pour ça qu'ils ont peur de parler. Ils ont peur de parler ou mettre en garde, même si c'est haq. Leur objectif c'est que hal. Ça ne veut pas dire que nous on veut les épreuves, on veut souffrir. Lakin, celui qui fait des efforts fil ilm et qui fait des efforts fil da'wa, il doit se préparer à hal. Le prophète alayhi salatu wasalam, il aurait pu avoir raha. Il aurait pu avoir raha. Quraysh lui ont proposé. Quraysh lui ont proposé raha. Et lui ont dit, on te marie avec la plus belle des femmes, on te donne. Le prophète sallallahu alayhi wasalam, il leur a répondu, si vous mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche, je ne cesserai pas. Il a continué, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont essayé de le tuer, ils l'ont frappé, ils l'ont chassé. Ils ont tué certains de ses compagnons, ils l'ont accusé, ils l'ont insulté. Thumma hijra, jihad, toute sa vie, et les efforts et les sacrifices. Thumma, à la fin, alhamdulillah. Al-an, il est fi na'im azim, et fi al-jannah, il aura le plus haut degré. Fahakada, hakada. Celui qui veut satisfaire tout le monde et qui ne peut pas patienter, il ne peut pas patienter sur la moindre épreuve, qui pose les affaires de la da'wah, c'est pas pour lui. Et il laisse un autre, la'alla wahad Allah il wafqa et il fasse. Lakin l'imam de haoula, il lâche pas. Et on peut se dire, vous n'avez pas d'ilm, vous n'avez pas de courage, vous êtes faible dans beaucoup de domaines, enfin, délaissez, hada, c'est pas pour vous. Ah ben, il y a de l'argent en jeu. Amma, tu crois qu'il prendrait les risques? À tout moment ils peuvent se faire accuser, à tout moment ils peuvent. Là, eux ils ont choisi un discours, ils ont fermé les portes aux accusations, ils disent que les kuffars ils veulent entendre et ils profitent. Iyadam billah. Qala wa yusalimuhum wa yastajlibu mawaddatahum wa mahabbatahum wa hadha ma'a annahu la sabila. قال وهذا مع أنه لا سبيل إليه فهو إثار للراحة وادعى على مؤنة الأذى في الله والموالاة فيه والمعاداة فيه وهو وإن كان أسلم عاجلة فهو الهلك في الآجلة. Ça c'est un kalam jamil. On doit tous analyser, méditer, bien comprendre. لأن العلم c'est quelque chose de طيب. Et الدعوة c'est quelque chose de طيب. لكن انتبه. Entabé. Ne pas vouloir franchir les étapes et penser qu'à ton bien-être et penser qu'à tes poches, iyadam billah, hada c'est un sabil pour se faire du mal. Faliyada qal wa huwa in kana aslam ajilatan. Al-ajila c'est tout de suite. C'est vrai que al-an ils ont un certain repos. Wa'adhum ils font da'wa sur leur ordinateur et des centaines d'euros par jour. Ah, il donne des appels de dons, des conférences, des séminaires, et il se remplit les poches de jour en jour. Il ne travaille pas, personne pour l'instant l'accuse, il a arrêté. Fichez min al-salam, lakin al-ajila. Thumma qal, faqad iktasabat, ou qal, fahuwa al-halak, fil ajila. Al-ajila, c'est plus tard. C'est la perte, ayyadan billah. Qala, فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق فإنه ما ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي في الله. Celui qui n'aime pas pour Allah et ne déteste pas pour Allah, il n'a pas goûté, il ne goûtera pas l'Iman. Et on a étudié ensemble plusieurs versets, plusieurs hadiths في هذا المعنى. فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله والله الموفق. تعريف جميل pour العقل. C'est quoi un عاقل? Quelqu'un qui a compris les choses. Quelqu'un qui s'en sort, comme ils disent العوام. Fulan il s'en sort, il s'en est sorti. Fulan il a compris. Fulan il est motivé. C'est qui هذا? كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله. C'est celui qui prend un chemin et ce chemin il satisfait Allah subhanahu wa ta'ala. Et suit le prophète alayhi salatu wa salam. Hada c'est l'aql. Amma autre que hada, fasse khudlan, wa dhaya' wa ghurur. Fala taghtar bi hadhihi al-umur. La dunya, ça vient et ça part. Fulan, il est d'accord avec toi, demain il sera plus d'accord avec toi. Al-katra, aujourd'hui tu as beaucoup de suiveurs, du jour au lendemain tu es accusé d'une chose, plus personne te suit. C'est pas ça al-mizan. Al-mizan, fais des efforts. Fi ridha Allah azza wa jal. Avec le tawhid et en suivant le prophète alayhi salatu wasalam, et Allah subhanahu wa ta'ala t'élèvera. Même si tout le monde n'est pas d'accord, Allah t'élèvera. Et tu as un exemple fi al-rusul wal-anbiya alayhim salatu wasalam, et fi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wasalam kadhalik, et leurs suiveurs. Qal wa fi hadith al-marfu' dhakarahu ibn Abd al-Barr wa ghayruhu awhallahu ila nabiyyin min anbiya bani Israel. Qal li fulan al-abid أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إلي فقد اكتسبت به العزة فما عملت فيما لي عليك وما لك علي. قال هل وليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ قلت وقد رواه أبو نعيم في الحلية. قال في الحاشية الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني. من طريق محمد بن محمد بن أبي الورد قال حدثني سعيد بن منصور قال حدثني خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. نعم فهذا الحديث فيه ضعف. قال وذكر ابن عبد البر أيضا أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن يخسف بقرية كذا وكذا قال يا رب إن فيهم فلانا العابد قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه في يوما قط. Toutes ces adillas فيها ضعف, لكن الشيخ حمود les a cités comme argument pour montrer que celui qui n'aime pas pour Allah et ne déteste pas pour Allah, il est dans un égarement clair et il risque le châtiment. ولو ces hadith فيها ضعف, لكن ما تقدم معنا لا شك ça montre que c'est un fondement essentiel dans notre din, et celui qui contredit هذا il est في ضلال. قال وقد رواه البيهقي في شعب الإيمان قال شيخ الألباني ضعيف جدا من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. وروى أبو نعيم في الحلية من حديث مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعا أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بعبد محسن في نفسه لا يرى أن له ذنبا فيقول له هل كنت توالي أوليائي؟ قال كنت من الناس سلما. قال فهل كنت تعادي أعدائي؟ قال ربي لم يكن بيني وبين أحد شيء. فيقول الله عز وجل لا ينال رحمتي من لم يوالي أوليائي ويعادي أعدائي. فهذا الحديث الصريح في هذا المعنى أي سكي n'aime pas pour Allah et ne déteste pas pour Allah, lakin kama qala fi al-hashiya fihi Bishr ibn Aoun al-Qurashi wa huwa wadha' hadith ila mawdu' li shadid al-dha'f. Qala idha 'ulima hadha فأهل العقل المعيش لا يرون بمداهنة البدع والفسوق والعصيان بأسا. تذكرون المداهنة؟ On l'avait cité page, dans Manuskhana, page 192. Et on avait cité la parole de l'imam Al-Qurtubi. Qala at-talyin liman la yanbaghi lahu at-talyin. Na'am. Ay at-talyin, la douceur envers le mubtadi'a, el kuffar, el fussa, et le fait de se taire, ne pas les réprimander. Hada c'est min al-mudahana. Et ha'oula, ils sont exactement sur cela. Amma al-da'i ila Allah, qui est ala ilm, ala basira, il montre ad-din al-nasiha. Wa qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadih, fa'in lam yastati' fabilisanih, fa'in lam yastati' fabiqalbih. Enlever le munkar, c'est wajib. Au minimum, avec, si on peut avec la main, si on peut pas avec la langue, et au minimum avec le cœur. Amma al-ba'd fa. Ils se mélangent avec Al-Kuffar, Al-Fussaq, Al-Mubtadi'a, et ils sont à l'aise avec eux. Ça prouve que même le cœur, il n'y a plus هذا النهي عن المنكر. عياذا بالله. قال وكثير منهم لا يرون بمداهنة الكفار والمنافقين بأسا حتى avec les munafiqin حتى avec les kuffar. Et on a cité l'exemple de beaucoup d'égarés. قال وبعض أهل الجهل المركب منهم ينكرون على من يهجر أهل البدع والفسق والعصيان ويكفهر في وجوههم الكفهرار تقدم معنا يا كلكو باج العبوس أي هؤلاء quand ils voient un sunni qui est à la haq يهجر أهل البدع والفسق والعصيان bien sûr avec des règles, des ضوابط, des قيود, avec des conditions qu'on verra inshallah à la fin de ce livre. قال الشيخ حمود رحمة الله عليه إذا علم هذا فأهل العقل المعيش لا يرون بمداهنة البدع والفسوق والعصيان بأسا وكثير منهم لا يرون بمداهنة الكفار والمنافقين بأسا. نعم عيدا بالله. بعض الناس عندهم مداهنة, ils font des concessions et ils n'ont pas البغض في الله ولا يغضبون لشرع الله عز وجل كأنهم ils sont pas concernés. C'est pour ça que هؤلاء كما تقدم معنا ينكرون على أهل السنة qui appellent à appliquer ce fondement et à le propager, aimer pour Allah, détester pour Allah. Et هؤلاء par rapport à leur nefs ils appliquent هذا. أما في المبتدع في الكافر في العاصي تجي mais laisse-le. Vous avez déjà entendu ça. Pourquoi tu ne passes pas le salam? Pourquoi tu es froid ma'a? Pourquoi tu le détestes fillah? S'il mérite d'être détesté fillah. Thumma il te cite, ayyadan billah, des arguments facida. Annahu, on est tous des êtres humains, la tolérance, il a. Et quand c'est vie, ma yata'alak bi nafsi, wahad rabbama il lui prend un euro, ou wahad il lui dit une kalima, va yahjum alayhi. Il n'y a plus de rahma, il n'y a plus de rifq. Les malades, il y en a ces droits, et fi hada al-haq, ils appellent à leurs droits. C'est nos droits, ila akhir. Ha'oula, iyadan billah. Ils pensent qu'à eux. Amma al-mu'min, la. Hubbu wa bourdu, c'est fillah. Qala, wa ba'du ahli al-jahl, al-murakkab, minhum yunkiroun ala man yahjur ahli al-bida' wal-fusuq wal-isyan. Wa yakfahirru. Vous vous rappelez de hada al-ism. Al-ikfihrar. عندي باج 217 الاكفهرار العبوس والاستقبال بوجه كريه. نعم هذا on l'a cité فيما le درس précédent. Il y en a ce qu'on vient de lire, on l'avait déjà cité dans le درس précédent. قال ويكفهر في وجوههم. Donc العبوس c'est celui qui est froid et il n'est pas souriant. قال ويعدون ذلك من الهجر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لا تهاجروا. نعم قال في الحاشية وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لا تهجروا. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التهاجر بين المؤمنين. الهجر c'est le fait de ne plus parler à son frère, de ne plus le passer le plus le lui passer le salam ila akhiri. Fa an-nabi sallam naha an hada. Qala wa qawlihi la yahillu li muslimin an yahjura akha fawqa thalath. Al-hadith li fi as-sahihayn an Anas radiyallahu anhu kama fi al-hashiya. Tu as deux choses هنا. Tu as al-hajr qui n'est pas permis. قوله لا تهاجروا وقوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا interdit الهجر entre مؤمنين entre مسلمين. هذا صار أصل. ومن هذا الأصل يا des choses qui sortent. Et بعض الجهال كما قال الشيخ حمود رحمة الله عليه en répétant كلام وبعض أهل الجهل المركب ينكرون على من يهجر أهل البدع والفسوق والعصيان. وبعض الناس يقولون pourquoi vous faites le hajr aux innovateurs, à certains pécheurs, aux kuffars? Et pourquoi vous n'êtes pas tolérant, souriant, ila akhiré? Et il se base sur hadith, la hadith, la tahajru. Et l'autre hadith, la yahillu al-muslim, la yahillu li muslim an yahjura akha. Awalan, ces hadiths, ils sont fil muslimin. Les kuffars, c'est autre chose, taqaddam ma'ana, on doit les détester fillah. Et le Nabi sallam amarana de ne pas vivre avec eux, de s'écarter d'eux, ila akhiré. Le fait de ne pas vivre avec eux, c'est ablar, c'est plus fort que le hajr. Mais c'est min al-hajr. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le mot al-hijra. Al-hijra, c'est du hajr. C'est la même base. Hajra, al-ha, wal-jim, wal-ra. Wal-hajra, al-asa, asl, sahih dans la langue arabe, qui montre al-tark. Fa-hajru ahl al-bida', c'est tarkuhum, les délaissés. La salam ou la kalam. Hajru bilad al-kufr, c'est délaisser bilad al-kufr. Donc, tu as une hijra qui est mashru'a. C'est hijratu al-kufr ou buldanihim, les délaissés. Voilà, on est d'accord. Thumma baqiya ahlul bid'a wal fussaq min al-muslimin. Wa'ad al-juhali, il cite ces hadiths. La yihillu li muslimin an yahjura akha. Il te dit, pourquoi tu lui fais le hajr? Ça reste un muslim, c'est ton frère muslim. Huna, c'est un point important, ça nous montre l'importance de revenir au salaf. Ba'd al-juhal, et Cheikh Hamoud rahmatullah alayhi, il a démontré, huna, c'est du jahl murakkab. Imam al-Anoum, ils pensent savoir, ils veulent expliquer c'est quoi le hajr, et ils se trompent totalement. Huna, c'est du jahl murakkab. C'est plus grave que celui qui te dit, ah, là, je ne sais pas, montre-moi. C'est un jahl, il ne sait pas. Lakin, huna, ils pensent savoir, bel, comme a bayyana huna, Cheikh rahimahullah, rubbama yuharibun wa yunkirun ala ahli al-haq. Il va te dire c'est toi qui te trompes, alors que c'est lui qui se trompe. Et là on revient à un fondement important, c'est de comprendre هذه الأحاديث avec فهم السلف. الصحابة رضي الله عنهم بل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم est-ce qu'il a déjà fait le hajr à un muslim? هنا c'est مقيد بثلاث أيام, trois jours. Si tu trouves que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le hajr plus de trois jours à un muslim, ça montre que هنا tu as une base et il y a des choses qui sortent de cette base. سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هو وأصحابه رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام هاجروا كعب بن مالك وصاحبيه plus de 3 jours 50 jours. Ça montre أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait, donc ça montre que هذا العموم il est مقيد avec certaines choses. Comment tu peux comprendre هذا en revenant أولا ne pas prendre que ce hadith, prendre les autres qui l'expliquent, ça te montre que le hajr c'est interdit et dans certains cas c'est permis. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appliqué avec Ka'b, radiyallahu anhu, et avec d'autres, qui étaient ses deux compagnons qui étaient ma'ah. Et كذلك, la compréhension des salafs. Al-Imam al-Awza'i, al-Imam al-Waghawi, al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Ahmed, al-Imam al-Bukhari, كم من أئمة نقلوا الإجماع, إجماع هجر أهل البدع. Et أهل الأهواء et أهل المعاصي. الإجماع, l'unanimité. Est-ce que هؤلاء الأئمة, al-Bukhari, rahimahullah, lui-même, il a rapporté le hadith? بل سيأتي معنا أن البخاري إلى رابورتي الحديث إلى ستان باب يهجر أهل البدع أو أهل الأهواء أو أهل المعاصي إلى ستة أو plutôt إلى ستان باب أنه لا يجوز هجر المسلم إلى ستة هذا الحديث juste après إلى ستان باب أنه c'est permis le hajr dans certaines situations et cite إلى ستة حديث كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم هجر إلى آخره. C'est ça العلم. Vous avez remarqué deux choses pour comprendre une مسألة, rassembler les hadiths, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu vas avoir un hadith qui montre que ce n'est pas permis de faire le hajr. Un autre hadith qui te montre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait. Donc tu vas comprendre que le hajr à la base ce n'est pas permis. Ton frère musulman c'est ton frère musulman. Dans certains cas, si c'est un innovateur, il ne veut pas arrêter, tu le montres, il a arrêté. Dans ce cas, c'est autre chose. bien sûr avec d'autres quyud. Est-ce qu'il y a une madarra sur l'insan, est-ce qu'il y a une maslaha, ça y est, bi'idnillah ma'ana. Alors, c'est faqat un aperçu pour vous montrer le jahl ha'oula. Kadhalik, revenir à la compréhension des salafs. Ba'd al-nas, il lit ce hadith. Robama, il va te dire, na'am, le Bukhari, il a rapporté le hadith, il est sahih. Anta, tu lui montres, anna, le Bukhari, dans son sahih, il a montré que c'était permis dans un cas. Il a rapporté le hadith et il te montre que c'est permis. C'est ça l'ilm. Lakin, on vit à une époque, anna, l'nas, yasta'jiloun. Un hadith, ils pensent qu'ils ont du ilm, ils le propagent, ils l'expliquent. Et là, ils ont fait un bahth pour voir la masala, est-ce qu'il y a un verset du Coran, des autres hadiths. Kadhalik, ils reviennent pas à ulama as-sunnah, à immatu, al-milla. Ils s'égarent. Ils font dans beaucoup de points. Alors que ça, c'est une masala wadiha. Ijma' al-ulama. Ijma' al-fil-haqqa, c'est wadih. Les savants à l'époque, ils rapportaient ces hadiths et ils montraient que tu ne peux pas faire le hajj à un musulman. Thumma kadhalik, alhamdulillah, ils te montraient la kin ahlul bid'ah, c'est autre chose, même si c'est un musulman. Bal al-usa. S'il ne veut pas écouter, il fait du mal, il a akhiri, il y a juz hajruhu dans beaucoup de cas. Et à partir de huna, on a fini ma yata'alaq bil kuffar dans ce livre. Alhamdulillah, quelques pages. Naam. 180 à 220 indi, 40 pages, taqriban. C'était sur al-kuffar. Al-wala, ou plutôt al-bara min al-kuffar. Les détester, les éloigner, ne pas se mélanger avec eux. Alhamdulillah, jusqu'à ici, on a, à partir d'ici, on a terminé. Le reste du livre, cette partie l'âne, ça va être sur Al-Usa, les pêcheurs. Min hadhi l'umma. Comment se comporter? Est-ce qu'on doit les détester? Est-ce qu'on doit leur passer le salam? Il va détailler avec des hadiths et la parole des salam. Thumma, à la fin du livre, ça sera sur Hajr Ahl al-Bida'a. Ah, c'est une risala. Qayyima tayyiba. Qala rahimahullah. Wa qad sami'tu hadha min ba'd al-khutaba wal-qussas minhum. والحامل لهم على التسوية بين الهجر الديني أولا قوله أتأمل لهذا قد سمعت هذا من بعض الخطباء والقصاص سنمنتخ أن كثير من الخطباء والقصاص إذن pas beaucoup de علم surtout à notre époque. لماذا؟ لأن هذا الجهل المركب الشيخ حمود رحمة الله عليه il t'a montré que c'est l'ignorance aggravée, il croit savoir et il ne sait pas, et il a cité deux exemples, الخطباء, ceux qui font خطبة الجمعة dans les مساجد, et Al-Qussas, ceux qui font da'wah, et leur da'wah elle est fondée sur Al-Qassas, sur des histoires, son expérience personnelle ou ce qu'il a lu dans certains livres, ce qu'il a entendu, et ils ne reviennent pas au hadith, à la parole des salaf, il a akhir. Al-Qussas ma'rouf. Ça nous montre, ya ikhwan, anna ha'oula, c'est pas des ulama en général, bien sûr il y a des savants qui font des mawa'id, qui font le khutbat al-jumu'ah, ça c'est clair. Mais il y a un tambih, ne pensez pas que celui qui fait le khutbah, ou celui qui prêche, il fait des durus, il a agré, forcément il a du ilm. Là. Wallahi, ba'duhum, c'est des khutbah, des du'at, et c'est min ajhalin nas. Limadha, l'yana, c'est fondé sur ce qu'il pense connaître lui. C'est pas fondé sur le Qur'an ou le sunnah et la parole des salafs. العلم كما قال ابن القيم رحمة الله عليه قال الله قال الرسول قال الصحابة c'est ça العلم c'est pas autre chose. Un واحد il peut faire une khutba et vous avez peut-être déjà entendu une khutba et ربما il cite pas un hadith, peut-être il va citer un verset et encore, et c'est que du kalam kalam kalam, il parle, il conseille, il n'y a pas de preuve. أما كلام أهل العلم oublie. Tu trouves بعض الناس موعظة القصاص, il cite, ربما il va traiter un sujet sur la patience ou autre. Il n'y a pas un hadith, il n'y a pas un verset. Ba'dahum, il cite un hadith des versets, lakin expliqué à leur façon. Maintenant, il va faire une mou'idha, un rappel sur le fait d'être correct avec son frère, la fraternité. Et il va citer ce hadith. La tahajaru, ou la yahil li muslimin an yahjura akha fawqa thalath. Et il va détailler, avec sa compréhension à lui, comme quoi il ne faut pas faire le hajra à ses frères. Thumma, peut-être qu'il va mettre en garde, et certaines personnes, il va viser ahl sunnah, annahum, ils boycottent, ils font le hajj à leurs frères musulmans, et il a akhiri ta'an, il a pendant une demi-heure et il va conclure. Al-Jahl, il ne sait pas que hajj l'ahl al-bida' c'est mashrou'. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, sahaba ils l'ont fait, al-Salaf ils l'ont appliqué. Falimad al-Inkar. Al-Inkar al-hajj qu'on s'est fait injustement. On a, y a pas de problème, on est ma'ak fi hada. Amma mutlaqan c'est min al-Jahl. Celui qui dit qu'il n'y a pas de hajj, c'est un Jahl. Il ne connaît pas son din dans ce point. Fantabihu li hada. Ce n'est pas le premier qui fait khutbah, ou le premier qui ouvre un cours, ou le premier qui, Robama Sani, même dans la masjid, khalas, ça devient une référence pour nous. Et les SF, c'est ce qui arrive dans beaucoup d'endroits. بعض الناس احيانا يتو كونتاكت يتو دي اون ما انفورمي كذا است كو سي فري كي سي كي تانفورمي سي الامام او سي فلان كافي انترس او سي فلان كافي الخطبه اخوان بعض المسائل سا روفيان اهل العلم خطيب الله اعلم سو حال الله اعلم سو نيفو اون دو با لي ليفي سا خطيب سي في دو خير على السنه الحمد لله لكن لي كيستيون العلم خاصه دون سيغتان دومين سي با تو الموند بعض الناس ربما الامام الى اون بيل فوا خلاص سي اون ريفيرونس بور سا سي حال العوام العوام كي نون با د علم بور الامام سي ان امام سي ان ريسيتاتور سي ان شيخ سي ان سافون عندهم الامام سي تو سا Peut-être que cet imam, il ne connaît rien à part la lecture du Coran, à part. Il a appris le Coran par cœur et ça s'arrête là. Il ne comprend pas le Coran. Fahada, alhamdulillah, si c'est un imam, il fait du khayr et il sait rester à ta place, alhamdulillah, on a besoin d'imams comme ça. Tous les imams, ça ne va pas être des savants. Lakin, sinon, le fait sortir de sa place, ou lui, il sort de sa place, c'est une musib. Et haoula, yufsidoun a fait l'umma. Al-Qussas ou al-Juhal, que ce soit des khotaba ou a'imma, yufsidoun a fait l'umma. L'imam, les gens, ils leur font confiance. Ils les prennent pour des savants. Tous les haoulats, s'ils sont gonflés, khasatan si dunya elle rentre. Khasatan si dunya elle rentre. Ils s'aperçoivent qu'ils peuvent gagner de l'argent avec le da'wah. Fayufsidouna fasadan aziman fi al-umma. Nous, on doit avoir deux comportements avec haoulats. Haoulats, on revient pas à eux, ce n'est pas des références. Et on les conseille. Les anna, c'est des musulmans, on les conseille l'akhirah. Et s'ils n'écoutent pas, التحذير. Il faut mettre en garde contre هؤلاء المفسدون أهل الضلال. S'ils n'écoutent pas, on met en garde avec leur nom. لماذا لأنهم يفسدون, ils restent pas à leur place et on montre à nos frères, c'est pas une référence, tu reviens pas à lui. Lui, il fait l'imam, il fait le khutba, il s'applique dans ce qu'il fait, ça s'arrête là. Demain, ça devient une référence. Voilà. قال والحامل لهم على هذا أو والحامل لهم على التسوية بين الهجر الديني وهو مكان لله وبين الهجر الدنيوي وهو مكان لحظ النفس لا يخلو من أحد أمرين. هنا إلى سيتي لدو هجر الهجر on a dit ça vient المعنى c'est الترك هجر أي ترك الهجرة أي ترك بلاد الكفر هذا الهجر le fait de délaisser ça veut dire de délaisser les fréquentations le fait de lui parler, le fait de lui passer le salam, c'est ça le hajr. Ils traduisent par boycotter. Il est de deux catégories. Hajrun dini, par rapport au din, et hajrun dunyawi, par rapport à dunya. Al hajr dunyawi avec ton frère musulman, là il joue. Là il joue. S'il s'est trompé, tu le conseilles, et si tu as fait quelque chose, pas besoin de faire le hajr. Là, tu lui parles le pardon ma'ruf. On a expliqué ça dans notre bab avant. Dans certains cas, bien sûr, s'il fait beaucoup de mal et il ne veut pas s'arrêter, ça te fait énormément de mal, via Adelhal, tu te préserves, c'est autre chose. Lakin, la moindre chose, on fait le hajr pour dunya, hada la yajouz. Ba'd al-nas, comme a dit le shaykh, ou al-hamil lahum ala taswiya. La taswiya, c'est mettre au même niveau. Ba'd al-nas, ils mettent au même niveau le hajr dini ou le dunyaoui. Vu que le dunyaoui, c'est interdit, ils pensent que dini, kadalik, c'est interdit. Ça, c'est min al-jahl, ça, c'est de l'ignorant. قال وهو مكان لحظ النفس لا يخلو من احد امرين pourquoi هؤلاء ils arrivent pas à différencier entre الهجر pour la religion ou الهجر pour الدنيا pour deux points ou à cause de deux choses قال اما الجهل بالفرق بين هذا وهذا اما c'est des ignorants ils connaissent que le hadith لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ils connaissent ce hadith tu n'as pas le droit de boycotter de délaisser ton frère plus de 3 jours Et ils ne connaissent pas le reste. Aoulas, des ignorants. قال وإما قصد لبس الحق بالباطل عنادا ومكابرة. Et ça, c'est حال أهل البدع. حال أهل الأهواء. أنهم ils savent très bien la différence. لكن يلبسون على الناس. Ils citent le premier hadith sur l'interdiction du hajr et ils ne citent pas le reste. لماذا لأن si les gens ils apprennent que le hajr c'est مشروع, ربما lui-même ils vont le hajr. Ils ne citent pas ces choses-là. Ils ne citent que le premier. En connaissant l'autre, hein, là, c'est très très grave. Mais le premier cas, où Ahad est ignorant et il te demande, il ne connaît pas pourquoi tu délaisses un tel, tu lui passes pas le salam et tu lui expliques, il a akhir, fahada, s'il aime le khair, il veut le khair, fa inshallah, il va profiter de ton conseil. Amma l'autre, haoula, eux-mêmes, ils méritent le hajj. قال وتمويها على الأغوياء الذين لا علم لهم بمدارك الأحكام وهذا الأخير هو الظاهر من حال المتلبسين منهم ببعض المعاصي ليدفعوا عن أنفسهم الشنعة. الشنعة وبعضهم يضبط هذا هذه الكلمة بالضم الشنعة. quelque chose de شنيع c'est quelque chose de قبيح. الشنعة أو الشنعة أي القبيح. الأمر الشنيع أي الأمر القبيح. c'est ce qu'on a cité ensemble il y a quelques instants. لماذا هؤلاء mettre en garde ils mettent en garde plutôt contre le hajj. لماذا قال لأن منهم أو منهم قال on reprend son كلام نعم المتلبسين منهم ببعض المعاصي ليدفعوا عن أنفسهم الشنعة. لماذا لأن si les gens ils savent que on doit le boycott c'est quelque chose de mashrou' eux-mêmes ils vont être boycottés. هذا ils font tout pour écarter les gens de هذا خاصة أنهم في une époque أن كثيرا من الدعاة من دعاة الضلال parmi les prêcheurs de l'égarement beaucoup d'entre eux ils ont mélangé الدعوة avec l'argent. الدعوة avec l'argent. أما celui qui fait الدعوة في سبيل الله et il se contente de appeler à ce qu'il connaît et son but c'est رضا الله عز وجل et il sait qu'il est à la حق بإذن الله عز وجل. Les gens lui fassent le hajj ou pas ça change rien. Il a 10 personnes devant lui ou 1000 Alhamdulillah, c'est la même chose. Il n'est pas lié à l'argent. Amma, ceux qui ils ont fondé leur da'wa sur l'argent, sur les abonnés, sur les suiveurs, et plus il y a de monde, plus ils profitent, ha'oula al-hajj, ça va leur faire du mal. Ils ont peur du hajj. Il y en a peut-être que la moitié de... C'est des clients, en fait, la moitié de ses clients, ils le délaissent, enfin, il aura deux fois moins d'argent. Et c'est pour ça que ha'oula, l'ayyadam billah, mudahana, wa talbis, wa makr. Pourquoi? Pourquoi ils ont tous ces défauts? Naomi trompe, ils sont mauvais. Ils ont du néfar, ils font apparaître autre que ce qu'ils pensent par rapport à l'argent. Et ça, c'est très très grave. Lihada, al-ulama, kathiran, ils mettent en garde contre hada. Anna ad-da'i ilallah, celui qui veut étudier l'ilm et le propager, il doit être nazi. Nazi, son cœur, il doit être propre. Amma, si son cœur, il est attiré par dunya, ça yufsid kathiran. الجمعيات الحزبية comment يفسدون كثير من الدعاة avec l'argent. Ils vont te donner, ils vont t'aider, ils vont te financer ربما le local, le matériel, les livres. ثم لا شك qu'ils écoutent ta da'wa, ils te financent, ils vont te suivre. Le jour où tu vas dire quelque chose qui est en désaccord avec leur passion, là t'as donné, ils vont pas t'insulter, te rejeter. بحكمه بنصيحه برفق très doucement ils vont trouver le moment propice pour te parler et ils vont te dire mashallah la da'wa elle avance nous on est prêt à t'aider la akhiri illa ya akhi ça serait mieux de tel sujet ne pas trop le citer et tafshal tu peux plus les malins directement tu vas comprendre si je ne suis pas d'accord avec eux tout ce qu'ils m'ont donné c'est fini et l'insan t'as le monde quand il s'habitue à un confort il s'habitue à une chose t'as beaucoup de mal à revenir derrière. Un nafs tata'oud. Amma celui dès le départ. Je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de vos conditions. Fisabilillah. Celui qui aide, il aide pour lui, fil haqiqa. Il aide da'wa fil haqiqa, c'est pour lui. C'est lui qui va stafid. Amma ce qu'il va donner à un tel, il va manger, il va faire. Amma c'est anta tastafid. Celui qui donne sabilillah, c'est pour lui. Et incha'Allah ta'ala, il aura al-ajr. Et celui qui ne donne pas, alhamdulillah. Hakada, et tu avances, t'es furaha. Les cours c'est payant, les muhadarat c'est payant, les séminaires c'est payant, tout. Tu dois acheter le livre, tu dois te déplacer, tu dois payer, c'est devenu un commerce. Ha'oula c'est ashaddu an-nas mudahanatan wa talbisan wa makran. C'est les gens qui trompent le plus, qui ne sont pas corrects. Et ha'oula tu les trouveras, tu as déjà vu un de ha'oula, de at ad-dalal, les prêcheurs un de YouTube, il a akhir qu'ils ont fondé sur l'argent, c'est des ikhwan. كلهم qui le savent comme on l'a dit ou ne le savent pas ta'atharu bi da'wat al-ikhwan. Est-ce que tu as entendu un d'eux parler du hajj? Abadan. Al-hajj pour eux c'est haram mutlaqan. لماذا لأن كما تقدم من حال المتلبسين منهم ببعض المعاصي ليدفعوا عن انفسهم الشنعة. يعني هم sont حقيقة يستحقون الهجر فلهذا ils essayent de repousser هذا. لكن حقيقة ils vont gagner de l'argent. Et Obama, ils vont avoir beaucoup de suiveurs. Là, qu'est-ce qu'ils vont dire, Yawm al-Qiyama? Falihada, da'i l'Allah, qui n'est pas attiré par Dunya et qui pense à Yawm al-Qiyama, bi'idnillahi azza wa jal, il a tout, s'il fait des efforts, pour avancer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va le waffaq. Et bi'idnillah, des gens du khir, ils l'écouteront. Et alhamdulillah, du khir ala khir. Nourun ala nour. Nourun ala nour. Amma ha'oula yawm al-qiyama, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'as eu 1 million d'abonnés, t'as eu 10 millions d'abonnés. Ils t'ont donné de l'argent. Personne, on qadr que. Pas beaucoup de monde t'ont fait le hajj, t'étais aimé. Yawm al-qiyama, toutes ces mukhalafat, tu vas aller où? Bel se tahmil awzar ha'oula. Bel ha'oula, ils auront des comptes à rendre. Foulani, il s'est garé à cause de toi. Foulani, il a mal compris à cause de toi. Foulani, et yawm al-qiyama, les comptes. Qala. وليوهم الجهال أن هجرهم إياهم من أجل المعصية لا يجوز وأن الذين يهجرونهم من طلبة العلم وغيرهم ليسوا مصيبين. نعم هؤلاء يزكّز طلبة العلم. إيه bien sûr العلماء. إيه يطعنون في أهل العلم. علماء الجرح والتعديل كي mettent en garde contre أهل البدع إلى آخره. هؤلاء يطعن فيهم. Ils disent, هؤلاء c'est des savants, mutashaddidoun. Bardohom, ils ont du talbi. Ils disent, c'est vrai, il a du ilm, il a gharé. Lakin les mutashaddid dans hada, il faut plus écouter hada. Et ceux qui ne mettent pas en garde. Et ça fait une fitna, yadam billah. Qal fa yuqal li هؤلاء. Al-mudabdabin, al-mudallisin. Tadkurun les deux awsaf qu'il avait cité Cheikh Hamoud an هؤلاء. Al-hayara, al-maghrourin. Ils ont fait hayra et ils ont du ghurur. Wa ghtarru. بالشيطان وبالأموال إلى آخره. Tout ça, c'est les deux précédents. On a deux autres وصف. مذبذبين ومدلسين. المذبذب, c'est celui qui لا يستقر على حال. Quand il est avec les kuffars, il aura un kalam. Quand il est avec les muslimoun, il a un kalam. Rubama, il est avec un sunni, il s'adapte. Rubama, il est avec un fasiq, il s'adapte. L'essentiel, c'est il veut que tout le monde le suive, il veut que personne ne soit en désaccord avec lui. Et haoula, en général, التذبذب هذا c'est par rapport à leur poche. معروفين et on les a cités كثيرا. مدلسين c'est ils sont pas clairs. التدليس c'est faire croire une chose qui est fausse. Faire croire une chose qui est fausse en réalité et هم ils ont التدليس pour faire croire que c'est vrai. هذا هو التدليس. C'est pour ça que les ulama ils ont rejeté التدليس sur l'isnad. Et ils acceptent pas hadith المدلسين dans beaucoup de cas. Tu peux traduire هنا par ils trompent. Ils sont pas stables. Et trompe les autres. قال إن الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه فيما زاد على الثلاث هو التهاجر. On répète إن الذي جاءت الأحاديث بالنهي عنه فيما زاد على الثلاث هو التهاجر الدنيوي كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يهجر أو لا يحل مسلم أن يهجر أخا فوق ثلاث. Ça c'est le هجر الدنيوي par rapport à dunya. Ça peut arriver un problème avec ton frère, avec ton ami, avec ta femme, ton épouse, avec ton cousin. Moi, il y a un problème avec ton associé. La yidjouz, que tu le fasses le hajj, c'est quelque chose de dunya pour 3 jours. Wa huna fa'ida azima, nahu c'est permis en dessous de 3 jours. Li hadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala fawq thalath. Tu dépasses le 3e jour la yidjouz. Limadha? Li annahu des êtres humains. Obama, il t'a fait quelque chose, tu l'as mal pris, t'es énervé, tu peux pas faire comme s'il n'y avait rien. Min rahmatillahi azza wa jalla, c'est que ces 3 jours c'est permis. L'imam, il y en a 3 jours, tu vas avoir le temps de calmer, de réfléchir. 3 jours, t'as le droit. Ne pas lui passer le salam, ne pas lui parler, hajr. L'imam, il y en a où il t'a fait tel jour, telle chose. Après 3 jours, c'est haram. Hada, c'est fi umur ad-dunya. Amma fi umur ad-din, on a des autres ahadith qui montrent que c'est permis de faire le hajr. Plus de 3 jours. Bel il al maut. Jusqu'à la mort. Kama bayyana ahlul ilm. Bien sûr, si cette personne, elle ne fait pas de tawbah. Et bien sûr, sous certaines conditions que Cheikh Hamoud, il a cité, rahmatullah alayhi, huna. Qala, wa qad ja'at as-sunnah bi hajr ahlil ma'asi hatta yatubu kama hajra an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Ka'b ibn Malik wa sahibay 50 yawma. Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, هنا, il a cité des preuves, des arguments, des hadiths pour montrer que c'est permis de faire le hajr dans certains cas plus de 3 jours. فهنا قال بهجر أهل المعاصي. أهل المعاصي, on verra plus tard أهل البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك. Et الصحابة رضي الله عنهم كذلك, ils ont fait le hajr à Malik et à ses deux amis 50 jours. لما تخلفوا عن غزوة تبوك. Ka'b radiyallahu anhu, c'est un sahabi jalil. Et ses deux amis, كذلك حكمة الله سبحانه وتعالى أنهم تخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم هاجرهم pour nous montrer. وإلا ne pas comprendre أن كعب et ses deux compagnons أنهم ils font partie des عصاة أو des innovateurs. أبدا. C'est من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة كلهم عدول. C'est tous des personnes de confiance. Ils sont tous morts à la خير. لكن حكمة الله سبحانه وتعالى أنهم ils sont pas infaillibles. Pour certaines raisons, ils n'ont pas pu se rendre à Ghazwat Tabouk et ils ont retardé et finalement ils n'ont pas été. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba radiallahu anhu, ils sont revenus, ils ont appris qu'ils ne sont pas venus à Ghazwat Tabouk, ils leur ont fait le Hajj. Et en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé Ka'b et les deux autres compagnons avec cette histoire. Nazala fi haqqihim Qur'an yutla ila yawm al-qiyamah. Et ça a été un bien pour eux. Tabou, Allah tab alayhim et alhamdulillah. Donc ça, c'est le premier exemple. حتى كعب رضي الله عنه في الحديث الطويل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في رياض شرح رياض الصالحين باب التوبة الإمام النووي لست الحديث l'histoire complète حتى كعب رضي الله عنه يغنطخ في المسجد et il y avait الصحابة avec النبي عليه الصلاة والسلام il passait le salam et il savait pas est-ce que le نبي صلى الله عليه وسلم il a bougé les lèvres même là pour lui répondre هجر حتى رضي الله عنه à la fin il n'allait plus au مسجد. Le dernier jour, il a fait as-salat sur le toit de sa maison. Hatta il a vu un min as-sahaba, Abu Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. C'était son ami, il le connaissait et il est venu après le fajr lui annoncer la bonne nouvelle. Hatta à la fin, il faisait salat chez lui. Tellement que c'était chédid. Plus personne lui parlait ville Médine. L'imam du Nabi sallam, il a fait 50 jours. Haoula al-an. Ad-dullal qui disent que là, le hajj n'existe plus, c'est vous qui avez inventé. L'imam du Nabi sallam, il a fait 50 jours. Et هذا الاجر, il y avait une faïda azima. عظيمة pour Ka'b et ses deux compagnons. فلماذا؟ Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam c'est lui qui nous a montré notre dîn, ça montre que c'est permis. قال ولم يكلمهم حتى تاب الله عليهم وهجر زينب بن جحش رضي الله عنها قريبا من شهرين لما قالت أنا أعطي تلك اليهودية تعني الصفية فهذا ضعيف. حديث عائشة رضي الله عنها قال في الحاشية أخرجه أبو داود وضعفه الإمام الألباني في ضعيف سنن أبي داود. ومن باب الفائدة أن نضع الإسناد في السند امرأة كي تسابل سمية وهي مجهولة سمية إلي مجهولة dans la chaîne de transmission il y a une femme qui s'appelle سمية et elle est مجهولة. On ne connaît pas sa situation, on ne sait pas est-ce qu'elle est véridique ام لا. فالعلماء Ils ont démontré que le hadith il est faible. Comme quoi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajr à Zainab deux mois. Hada sa da'if. Wa yakfi ma taqaddam. Le premier hadith, fil haqiqa, il yakfi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le hajr 50 jours. Ça montre que les 3 jours, c'est spécifique pour ad-dunya. Amma pour din fala. Qal wa hajr alladhi bana fawq al-haja hatta hadama bina'ah wa sawwah bil-ard. Qal fil haashiyah. أخرجه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه وقال الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة إسناد جيد. فهذا الشيخ الألباني il a montré que le hadith il était جيد. جيد c'est entre le حسن et au-dessus du حسن en dessous du صحيح. فهذا الحديث il est accepté عند الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر هذا الرجل. قال وهجر رجلا رآه متخلفا بزعفران حتى غسله وأزال عنه أثره. قال في الحاشية من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما وحسنه الشيخ الألباني. قال dans le hadith on a noté un passage. قال فغدرت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال صلى الله عليه وسلم اذهب فغسل هذا فغسله أو فغسل هذا عنك فغسله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم il lui a pas répondu au salam dans ce cas et il lui a dit va te nettoyer عند هذا ثم reviens. Quand il est revenu, النبي صلى الله عليه وسلم il lui a répondu au salam. فهذا نوع من الهجر. وبعض العلماء يقولون أن هذا c'est pas du هجر total لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصحه. إذا تأملت في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم نصحه. هجره نعم من باب il lui a pas répondu au salam لكن il lui a montré. Mais le hajr, le terme, le mutlaq, c'est de ne plus lui parler. أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هاجره أي en ne pas lui répondant à son salam et il lui a parlé, il lui a montré qu'il devait enlever cette chose. ثم il est revenu, lui a répondu au salam. قال وهجر رجلا رأى عليه جبة من حرير حتى طرحها. هذا إلى ضعيف. أخرجه الإمام النسائي والإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وضعفه شيخ الألباني رحمه الله. قال وهجر رجلا رأى في يده خاتما من ذهب حتى طرحه. هذا قال أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا القصة المعروفة أن cet homme il portait de l'or. Quand il a enlevé l'or, النبي صلى الله عليه وسلم il ne lui a plus fait al-hajr. قال وفي سنن أبي داود وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم هجر رجلا رأى عليه ثوبين أحمرين. قال في الحاشية ضعفه الشيخ الألباني هذا إلى ضعيف. وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يهجرون من أظهر المعصية حتى يتوب وتظهر توبته. وقد قال ابن عبد القوي دونك على كل حال هذه الأحاديث on a حديث كعب صحيح bien sûr on a le dernier في صحيح مسلم أنه لا شك إلى صحيح et d'autres أحاديث sont ضعيفة. على كل حال il y a des أحاديث qui montrent أن النبي عليه الصلاة والسلام il a fait الهجر plus de 3 jours. Donc ça nous montre al-hajr min ajli ad-dunya, c'est pas permis. Sauf pour 3 jours, pas plus. Amma al-hajr min ajli ad-din, fa c'est permis. Les umur, awalan, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Thaniyan, as-sahaba radiyallahu anhum ils l'ont appliqué. Thalithan, kathir min al-a'imma ils ont rapporté al-ijma'. Minhum al-imam, on peut citer al-Awza'i, l'imam al-Baghawi, الإمام البخاري الإمام أحمد كثير من العلماء هي الإجماع دونك سي قول العلماء لكن سوكي اون رابورتي الإجماع منهم الأوزاعي الإمام البغوي اي دوتر ابن عبد البر رحمه الله عليه الى كلام جميل اون اوري بي لو سيتي هنا لأنه الى سيتي هذا هذه المسألة أنه سي ليميتا 3 جور سوف بور أهل البدع الى آخره الى رابورتي الإجماع رحمه الله عليه. قال وقد قال ابن عبد القوي وهجران من أبدى المعاصي سنة وقيل إذا يردعه أوجب وأوكد وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقاه بوجه مكفهر نعم مكفهر c'est le mot qu'on a vu أي بوجه عبوس قال نعم مكفهر معربد قال فلم يذكر خلافا في سنية هجر العاصي المجاهر بالمعصية سواء ارتدع بالهجر أو لم يرتدع لأن هذه سي نوت مسألة est-ce que le hajr va être utile pour lui أم لا بعض العلماء ils ont rapporté l'ijma que ce soit utile pour lui أم لا بقية si c'est une مفسدة si ça va impliquer une مفسدة sur toi مثلا si tu le hajr ربما on te fait du mal ça c'est autre chose ça c'est autre chose في هذا الحال tu lui passes le salam إلى آخره لكن bien sûr, dans ton cœur, le munkar qu'il fait, tu le détestes. Mais le fait que si le hajj, on ne fait pas le hajj, il ne fait pas tawbah, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. وَإِلَّا فَكَثِيرْ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِ وَالْبِدَعِ on ne va plus leur faire le hajj. Et Cheikh Hamoud, il a détaillé naqra. قَالَ فَأَيْنَ هَذَا مِمَّا يَرَاهَ الْمُتَوَهِّكُونَ الْمُتَهَوِّكُونَ الْمُتَهَوِّكُونَ من إبطال الهجر الديني بالكلية ومعاملة الناس كلهم صالحهم وطالحهم باللطف واللين والمودة أي إلى كونكلو هنا أنه أين هذا de, أي الآن on a les أحاديث du prophète صلى الله عليه وسلم أن البروفيت صلى الله عليه وسلم il l'a fait الصحابة ils l'ont fait l'unanimité des savants أنه c'est permis est-ce qu'on va choisir هذا القول ou on va choisir قول السفهاء كما قال هنا المتهوكون Ils sont instables. Ils n'ont aucun principe, bardoum. On va les suivre. Et Kadir Menom, ils pensent qu'à leur poche, on va suivre le haq. Là, chacun a le haq. Aoula bilitiba. Et tout ça sous prétexte qu'à maqal. Al-lutf wal-lin wal-mawad. C'est ça leur principe. Il faut de la douceur, il faut de la patience. Et il faut aimer son prochain. Ils ont fermé bab al-hajr. Ça, c'est khatir jiddan. Al-wala wal-bara et al-mahabba wal-hajr, c'est des fondements. Très très important dans notre dîn, enfin, on doit prendre soin, on doit appliquer hada. Et bien sûr, في هذا الباب باب الهجر حقيقة الطرفين ووسط. فبعض الناس تقدم معنا الشيخ حمودي لزاسيتي هنا أنهم ضيعوا هذا الأصل لبخشير الآن دو لاريبوبليك المميعة بعض الحزبيين الضلال أنهم يدون plus d'importance à هذا et par là tout le monde ils veulent rapprocher tout le monde se rassembler الحقيقة c'est طريقة الإخوان المسلمين الضلال كما قال مؤسسهم حسن البنا الضال نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هذا cette قاعدة في الحقيقة c'est contre le hadj نجتمع فيما اتفقنا عليه on se rassemble sur ce sur ce on est d'accord sur quoi on est d'accord on se rassemble ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما اختلفنا فيه أي tout ce qu'on est en désaccord je ferme les yeux tu fermes les yeux أي il y a pas de hadj ça c'est طريقة الإخوان. Tu as une autre, un autre extrême, une autre tariqa, c'est tariqa al-ghula, al-haddadiyya, al-dullal, al-ladhina ta'atharu bil-khawarij, wa bil-hizbidjin, anna une chose, son frère il fait une chose, rubama une mukhalafa, rubama une ma'asiyya, il faiblit dans une certaine, sur certaines choses, al-hajr, la kalam wa la salam, ayyadam billah, ça c'est du ghulu, là. Hunak dawabit, si ton frère tu sais qu'il a du khayr, il aime le khayr, et tu sais que Inch'Allah ta'ala, il va écouter le conseil. Le conseil, l'imada se précipiter. Khassatan à notre époque. Al-Nahl Sunnah, ils sont fait ghurba. On est très très peu. Et on vit à une époque, le niveau de ilm et de l'iman, c'est pas comme à l'époque des salafs. Enfin, ne pas se précipiter. Bard al-Nas, ils font une erreur. Il va lire des athar à l'Issalaf. Al-Nahum hajaru fulan wa fulan wa fulan. Et il va appliquer cela avec son frère d'Ahl Sunnah. Al-Salaf, ils appliquaient ça à l'Ahl al-Bid'a ou al-Ahwa. Na'am. Et même si c'est appliqué à certains de leurs frères dans certains cas, c'est parce que son frère, il a le courroie pour accepter, il a agré. Il faut s'adapter sans faire de concessions. Amma notre époque, l'époque de Dhaif. Tu sais que ton frère, maintenant, il est Dhaif. Bard al-Ikhwan, ils sont fils, bilal kufr. Robama, il est seul. Il est Dhaif. Il a des problèmes dans la langue arabe, dans l'ilm, dans la mémorisation. Il ne connaît pas beaucoup son din. Une erreur, tu trouves jamais à Hajj. Ce frère, il va faiblir, et c'est déjà arrivé, comme on nous a informé. Ce frère, il va faiblir, il délaisse le din. Il comprend, c'est ça, din l'islam, il faiblit, shaitan, il y a tout salat alayhi, wa adhum, ils sont sortis de l'islam. Hada, c'est pas du hajr, hada. Hada, yadam billah, c'est du umf. Il n'y a aucune faïda. Ce frère, yunsah, yubayyin lah. Et après, s'il n'écoute pas, il a akhir, c'est autre chose. Les kulli maqamin maqal. Amma se précipiter là. Al-haq, c'est al-wasat. Al-wasat, hajru ahl al-bid'a, il n'y a aucun doute. Et nos frères d'ahl al-sunnah, même s'ils se trompent, même si ce frère fait une bid'a ou une mukhalafa, on commence par le nasiha, on lui montre. S'il n'accepte pas, c'est shay'un akhar. Et il y a des tafasils, on ne peut pas tous citer. Et kathiran, c'est du cas par cas. La'alla, dans ces doros à venir, bi'idnillahi azza wa jal, Cheikh Hamoud Lachak, il a cité khayran kathira. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat. لنكتفي بهذا والحمد لله.